بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On continue donc dans la conférence l'explication des paroles du Cheikh Ahmed Bazmoul Hafizahullah, qui est un des shuyukh de Mecca, comme on l'a expliqué, parmi les élèves de Cheikh Ahmed al-Najmi et de Cheikh Rabi al-Madkhali et de d'autres parmi les mashaykh. Aussi, Cheikh Ahmed Bazmoul, il est le frère du Cheikh Mohamed Bazmoul. Et il est aussi l'élève, son élève, en même temps. Donc, le Cheikh, il continue dans l'explication de ce qu'on a dit par rapport à l'exemple de Cheikh Rabi' et comment Cheikh Rabi', hafizahullah, il a toujours travaillé pour essayer de réunir les salafis et de quand il y avait des fitanes, d'essayer de les calmer, de les régler, de faire des réconciliations entre ceux qui avaient des problèmes, hein. Donc il y a eu beaucoup d'efforts faits dans ce sens-là. Et le cheikh il dit: wa inna min al-ajab al-ujab wa min al-gharaib al-mustaqbaha 'inda dhawi al-albab an yarmi Yahya al-Hajuri wa man qablahu al-Halabi al-Allama Rabi' ibn Hadi al-Umayr al-Madkhali بأنه سبب للتفريق والاختلاف الواقع بين السلفيين. Donc le cheikh il dit, parmi les choses les plus étonnantes et les choses les plus laides qu'on peut constater, qui sont laides pour ceux qui détiennent la raison, la compréhension, c'est que des gens comme Yahya al-Hajuri et ceux qui étaient avant lui comme al-Halabi accuse Cheikh Rabi' al-Madkhali d'être la cause de la division et de la divergence qui arrive entre les salafiyins. Donc on a trouvé donc cette attitude-là chez al-Hajuri maintenant, et avant lui chez Ali al-Halabi. Ok? Et on a cette attitude-là qui est à deux extrêmes, qu'on voit de la part de certains. L'attitude, comme on l'a expliqué, des gens de Tamir, hein, des gens de Tamir, et des gens qui sont dans l'autre extrême, ce qu'on appelle les Haddadiyah. Les gens du Tamir, c'est ceux qui essaient toujours de dire que non, il ne faut pas critiquer les gens de Bid'ah, il faut être doux avec eux, il faut pas appliquer les règles des salafs à leur sujet, puis les boycotter, puis cesser de les côtoyer. Non, eux, ils ont une autre attitude. Leur attitude, c'est quoi? Il faut collaborer avec les gens de Bid'a, il faut travailler avec eux, il faut se mélanger avec eux, il faut essayer de se rapprocher d'eux, et ainsi de suite. Tamir. Yannis dit salafi. Sauf que c'est des gens, c'est des gens qui se disent salafi, comme Ali al-Halabi et al-Ma'ribi, Abu al-Hassan al-Ma'ribi, al-Maghrawi, Adnan al-Ar'ur, hein, tout ce groupe-là, Osama al-Qawsi, des gens qui disent que ils sont salafis, comme al-Maghrawi au Maroc, c'est ça. Ils disent qu'ils sont salafis, mais ils veulent pas appliquer le manhaj des salafs à propos des gens de bid'a, à propos des takfiriyin, à propos des khawarij, à propos des ikhwan, à propos de tablir, à propos des autres groupes. Ils disent non, il faut les rapprocher, il faut se rapprocher d'eux, il faut être correct avec, il faut être doux avec eux, il faut, ainsi de suite. Contrairement à ce que les salafs ont mentionné à propos de ceux qui appellent à la bid'a, hein, et qui invite les gens à la bid'a, et ainsi de suite. Et Al-Halabi, donc ça c'est la position de Al-Halabi. La position extrême, l'autre extrême, c'est la position de, comme on l'a expliqué, de Falih Al-Harbi et de d'autres, comme maintenant, qu'est-ce qu'on a vu apparaître de la part de Yahya Al-Hajuri et d'autres, c'est de n'avoir pas de respect envers les ulama d'Ahl-Sunnah. Même si tu considères qu'un savant parmi les ulama d'Ahl-Sunnah ont fait des erreurs, il y a une manière de les réfuter, il y a une manière de les corriger, il y a une manière de leur répondre. Et la manière, c'est de leur répondre, c'est-à-dire tu corriges, tu réponds à l'erreur, tu corriges l'erreur, tu réfutes l'erreur, mais tout en gardant l'honneur et le respect de ce savant-là. Hein? Mais qu'est-ce qu'on remarque de la part de ces gens qui ont cette tendance de haddadiyya, c'est que lorsqu'ils considèrent qu'un savant a fait une erreur, et des fois c'est des questions d'ijtihad, ça rentre pas dans le manhaj, ça rentre pas dans la aqidah, ou ça rentre pas dans les questions qui ont rapport avec ça, eux, du moment qu'ils ont une erreur dans quelque chose, même des questions d'ijtihad parfois, ils vont prendre des positions vis-à-vis des ulama qui ont des positions différentes à leur position, et ils vont les traiter comme des innovateurs. Ils vont les critiquer, ils vont les dénigrer, ils vont les insulter, ils vont les traiter de surnoms pour les rabaisser, et ainsi de suite. Donc ça, c'est pas l'attitude d'Ahl-Sunnah wal-Jama'a avec les ulama. L'attitude des gens de Ahl-Sunnah avec les ulama, c'est de leur montrer le respect, et même s'ils font une erreur, si tu le réfutes ou le corriges, tu le réfutes et tu le corriges avec toute la politesse et le respect qu'ils méritent en tant que savants de Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Tandis que si c'est un mubtadi' ou un innovateur, quelqu'un d'innovation ou d'égarement, et qu'il fait des erreurs et tu le réfutes, les ulama, ils les réfutent parfois avec de la dureté, avec des paroles assez fortes, pour les remettre à leur place et pour en même temps avertir les gens de leurs égarements, pour justement faire en sorte que les gens ne les prennent pas comme des références, ces savants, ces individus-là, parmi les gens de bid'ah. Donc ça c'est un exemple justement du fait que Cheikh Rabi, il a essayé de nombreuses fois pendant plusieurs années de régler les problèmes qui se passaient avec Yahya al-Hajouri et les autres mashaykhs, et de faire des réconciliations entre eux, puis d'essayer de régler les problèmes. Mais qu'est-ce qu'on a constaté de la part de Yahya al-Hajouri et de ceux qui le suivent, qui sont un peu extrémistes, exagérés, qui exagèrent, c'est au contraire, non, ils ne veulent rien savoir de la réconciliation, et ils attaquent les ulama. Ils attaquent les gens qui ne sont pas d'accord avec eux. Ils ont combien de fois dénigré Cheikh Ubayd al-Jabri et d'autres parmi les mashaykhs. Et même maintenant, ils ont mis même des réfutations contre moi sur leur site là. Donc c'est pour te dire, non, oui, exactement, non. Donc c'est pour dire, quelqu'un comme moi qui est à Montréal, dans un coin perdu de oui, c'est ça. Ils n'ont pas d'autre chose à faire. Non, bien entendu. Probablement qu'à Damas, il y en a qui ne sont pas comme ça. Oui, ben c'est normal. Parce que on l'a connu avant, à l'époque de Cheikh Mouqbil. Il n'était pas comme ça. Puis, comment les choses se sont transformées par la suite. C'est ça, donc c'est triste comment les choses peuvent changer parfois. Et comme on dit tout le temps, le dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, « Ya muqallib al-qulub, thabit qulubana ala dinik. » Donc maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Bon, pendant longtemps, moi j'ai jamais parlé de ça. J'ai jamais voulu parler de ces choses-là, parce que beaucoup d'ulama avaient conseillé Cheikh Rabi et d'autres de ne pas rentrer dans cette fitna, de ne pas parler de ça. Donc alhamdoulilah, on suit les conseils des ulama. Mais quand les ulama ont commencé à clarifier la situation, puis à expliquer l'état et le cas de Yahya al-Hajouri par la suite, donc alhamdoulilah, on a pris notre position par rapport à la position des ulama d'Ahl-Sunnah et les salafines. Qu'est-ce qu'ils ont dit à ce sujet? Donc le Cheikh Ahmed Basmoul, il mentionne donc que maintenant Yahya al-Hajouri et al-Halabi, ils accusent Cheikh Rabi d'être la cause de la division entre les salafiyins. Le Cheikh, il répond, il dit: « والسؤال الذي ينبغي أن يوجه لهذين المعاندين الممعنين في الباطل ما أسباب الفرقة والاختلاف. » Le Cheikh, il dit, la question qu'on doit poser à ces deux personnes, qui sont deux personnes qui sont en train de s'obstiner et de s'enfoncer dans la fausseté, c'est la question suivante. Quelles sont les causes de la division et de la divergence dans la religion? C'est quoi les causes de la division et de la divergence dans la religion? Le Cheikh, il dit, « Wa bil jawab sayadhar. » من المتسبب الحقيقي لهذه الفرقة والاختلاف والموقد لها. Donc, avec la réponse, on va voir clairement qui est vraiment la cause de cette division et de cette divergence et qui est en train de l'allumer et de mettre l'huile dans le feu, comme on dit. Donc là, le cheikh, il va énumérer une série de causes à la division et la divergence. Voici des exemples que le cheikh a mentionnés. Premier exemple, mukhalafatul kitab wa sunnah wa manhaj salaf al-umma. Donc premièrement, le fait de contredire le Coran et la sunnah et la méthodologie des salaf de la umma. Donc ça, c'est une des plus grandes causes, et la plus grande cause même de la division et de la divergence. Deuxième exemple, wujudu ahl al-bid'a wal ahwa wal munharifin 'an al-haq. Yarhamuk Allah akhi. Donc c'est-à-dire wujudu ahl al-bid'a wal ahwa wal munharifin 'an al-haq. C'est-à-dire la présence des gens de bid'a et de passion et des gens qui ont dévié de la vérité. Donc la présence de ces gens-là, c'est une cause de division. Troisième exemple, من يدافع عن أهل البدع والأهواء والمخالفين ويؤصل القواعد والأصول للدفاع عنهم. Ça, c'est un autre exemple de qu'est-ce qui cause la division. C'est-à-dire quelqu'un qui défend les gens de bid'a, les gens de la passion, et les gens qui opposent la vérité et qui contredisent la vérité, et qui essaie d'établir des règles et des principes et des fondements dans le but d'arriver à les défendre. C'est-à-dire dans le but d'arriver à défendre les gens de bid'a. Donc ça cause la division. Et c'est ça que fait Al-Halabi et d'autres également. Ils défendent les gens de bid'a et ils essaient d'établir des règles dans la religion et dans la salafia pour dire qu'on a le droit de les défendre et que c'est correct. Donc il y a plusieurs de ces règles-là qu'ils ont inventées. On va en parler dans d'autres cours parce qu'on va faire, Inch'Allah, des lectures de certaines clarifications à ce sujet-là dans les cours à venir. عدم نصرة الحق وأهله وتخذيله. Ça, c'est aussi une autre cause de division. C'est quoi? Le fait de ne pas défendre la vérité et les gens qui sont sur la vérité et le fait de les abandonner. C'est-à-dire le fait de ne pas défendre la vérité et les gens qui sont sur la vérité, ça c'est une des causes de la division entre les musulmans et entre les salafis. Et aussi at-tahdhil. At-tahdhil, c'est une expression qu'on utilise pour décrire le fait de ne pas défendre ou supporter la personne qui est en train de défendre la vérité. C'est-à-dire, quand quelqu'un défend la vérité, toi tu essaies de le décourager. Tu essaies de le décourager ou de lui dire non, tu ne devrais pas faire ça, tu ne devrais pas faire ça. Hein? Tu essaies de déconseiller la personne, de décourager la personne, au lieu de l'encourager, puis de la défendre, puis de la supporter, c'est ça. Et le prophète, dans le hadith, il a décrit deux groupes de gens qui ont dévié du groupe sauvé. Il a dit, quand il a parlé du hadith du groupe sauvé, il a dit « La tazal ta'ifatun min ummati zahirina ala al-haq » لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. خذل, ça veut dire le fait de justement abandonner la personne lorsqu'elle a besoin de ton support. Donc ces gens-là, ils sont avec Ahl Sunnah, mais quand les ulama d'Ahl Sunnah prennent une position vis-à-vis des gens de bid'a, vis-à-vis des gens de la fausseté, eux à ce moment-là, ils s'en vont. Hein? Ils ne les supportent pas dans cet affrontement-là. Et khalafahum, c'est-à-dire ceux qui les ont opposés. Donc il y a ceux qui opposent les gens de la vérité et à ceux qui abandonnent les gens de la vérité. Hein? Ça, c'est un hadith. La tazanu ta'ifatun min ummati zahirina ala al-haq. Il est dans Sahih al-Bukhari, dans Sahih Muslim aussi. Dans plusieurs narrations aussi. La tazanu ta'ifatun min ummati. Moi, je ne me rappelle plus exactement dans quel chapitre, mais si tu veux, je peux te le chercher après le cours. Inch'Allah, je vais te le chercher tout de suite. Ok? Mais ça fait partie des hadiths que les ulama rapportent, ils mentionnent tout le temps, oui, parce que c'est une des bases, des fondements de la da'wa. Tu cherchais quelque chose? Ah, ok, d'accord. Khair, inshallah. Donc, un autre point qui est une des causes de la division, de la divergence. زرع الفتن وتفريق الصف السلفي وضرب السلفيين بعضهم ببعض وضرب السلفيين بعضهم ببعض لتفرقتهم ابتداء من فتنة عدنان عرعور إلى المغراوي إلى المأربي إلى الحلبي إلى الحدادية والحاجوري. Donc il dit, le fait de semer les fitan et de diviser le rang salafi en frappant les salafiyin les uns contre les autres. C'est-à-dire en essayant de mettre les salafis les uns contre les autres et de les diviser en commençant à partir de la fitna de Adnan Ar'ur jusqu'à Al-Maghrawi, jusqu'à Al-Ma'ribi, jusqu'à Al-Halabi, jusqu'à Al-Haddadiyya et avec le dernier, Al-Hajuri. Donc ça, c'est des exemples de fitnes qui sont arrivées une après les autres, hein, et qui continuent toujours dans la même ligne et dans la même branche. Hein, toujours en train de créer des fitan entre les salafis eux-mêmes. Un autre point, at-ta'n fi ulama as-sunnah wa tuhmat as-salafiyin al-abriya wa ramyihim bil-fawaqir. Donc le fait d'insulter et d'attaquer les ulama de la sunnah et d'insulter les salafiyin innocents et de les accuser de yani de division et de choses de ce genre. C'est toujours comme ça. Mais il y a beaucoup de gens qui disent que, il y en a beaucoup de gens qui soupçonnent même, qui disent que peut-être même que parmi des gens qui sont dans cette fitna, il y en a qui sont peut-être au service de on ne sait pas qui, hein, et qui essaient justement de faire des fitanes exactes, de créer des fitanes entre les salafis, entre les musulmans. Et eux, c'est ça qu'ils veulent. Et tu le remarques de plus en plus même, que partout, pas juste au Yémen, même en Europe, et partout maintenant, même maintenant en France, il y a beaucoup de fitanes comme ça, parce qu'il y en a qui se font passer pour des salafis, ils se mélangent parmi eux, et puis après, justement, ils créent des fitanes entre eux, justement, pour les diviser, puis les affaiblir. Mais c'est pour ça que... Mais c'est sûr, mais c'est qu'à la fin, qu'est-ce qui arrive? Ben, je veux dire qu'à la fin, qu'est-ce qui arrive, c'est que ça arrête la da'wa. Tu comprends? Ça affaiblit la da'wa, puis ça arrête la progression et l'avancement de la da'wa. Et c'est ça ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas que cette da'wah avance, donc ils essaient de distraire les gens de qu'est-ce qui est vraiment important et de ramener donc toutes sortes de shubuhad et de fitan pour que les gens s'occupent les uns des autres à chaque fois et qu'ils... Ben oui! Parce que qu'est-ce qui est arrivé depuis quelques années? On a constaté depuis quelques années que il y a moins de gens qui sont en train de revenir à la pratique de l'islam et à la compréhension de la salafia comparé aux années avant. Donc pourquoi? Parce que il y a moins de travail, il y a moins d'efforts, il y a moins de da'wah qui est faite, il y a moins d'études, il y a moins d'enseignements, il y a plus de shubuhat, il y a plus de fitan qui se propagent. Et donc, il y a des gens qui se disent salafis, mais qui ont une autre voie que la voie des salafs, et puis qui propagent des fétanes. C'est ça. Mais c'est comme ça, c'est dans une ville ou c'est dans un endroit. Mais il y a des endroits, peut-être ils sont divisés en 5 ou en 10. Ça dépend des endroits, tu vois. Mais il y a une chose que les ulama ont expliqué, c'est que la cause, partout où tu vois de la division, c'est souvent parce qu'il y a de l'ignorance. Tu vois, parce que quand il y a de la science, il y a moins de division, ou il n'y a pas de division du tout, parce que les gens retournent aux ulama. Mais quand les gens sont loin des ulama, comme par exemple au Maroc, il n'y a pas de ulama, donc à cause de ça, il y a beaucoup de division. Tu vas trouver beaucoup de division. Et dans d'autres pays, la même chose, tu vois. C'est ça, c'est les autres. Si les frères ils retournent pas aux chouyours, ils écoutent pas les chouyours, eh ben c'est normal que tu vas les trouver se divisant plus que les autres. Si c'est pas des questions qui ont rapport avec ça, c'est d'autres questions, d'autres raisons. Mais le cheikh il dit ensuite, donc le fait d'attaquer les ulama, de les insulter, de les accuser alors qu'ils sont innocents, hein, donc ça c'est une cause de division. Une autre cause de division, ta'lif al-kutub wa fath al-mawaqi' wa tasjil al-ashrita lit-ta'n fi as-salafiyyin wa taslit as-sufaha al-arazil wa hudatha al-asnan 'ala as-salafiyyin sabban wa shatman wa qadhhan bil-kadhib waz-zur wal-buhtan ila ghayriha min al-asbab. Ça c'est quelque chose qu'on a vu, le fait de lire d'écrire des livres, d'ouvrir des sites internet, d'enregistrer des cassettes dans lesquelles on trouve de l'insulte et des attaques contre les salafis, d'envoyer des faibles d'esprit et des voyous ou des gens de bas niveau moral, hein, et des jeunes pour aller insulter et attaquer les salafis, hein, parler contre eux et inventer des mensonges et des accusations et des blasphèmes contre eux. Et beaucoup d'autres choses. Ça, on l'a vu dernièrement en France, des jeunes, yani, qui commencent à attaquer les salafis et à les insulter et à les dénigrer et à inventer des mensonges contre eux. Et c'est des gens, yani, des catégories de gens telles que le cheikh les a décrits, yani, al-aradil, hein, al-sufaha, des faibles d'esprit, aradil, des gens d'une bassesse inégalée, hein, au niveau de leur langage, au niveau de leur morale, de leur attitude, aucun respect. C'est comme s'ils ont pris des voyous qui traînent dans la rue, puis ils leur ont mis une barbe puis un kamis, et puis ils pensent qu'ils ont maintenant le droit de critiquer et d'attaquer, d'insulter les salafis et les ulama. On commence à même parler ulama salafis. Et là maintenant on commence à réaliser que ces jeunes-là, qui se disaient salafis, même qui parfois prétendent être des toulab ilm, sont en réalité des takfiriens, hein, qui sont camouflés et qui justement essaient de propager la voix des qutbiyins et des takfiriens et des khawarij parmi les rangs des salafis. Donc ça c'est des exemples. Le cheikh il dit « Hadihi ba'd al-asbab al-muaddiya lil-furqati wal-ikhtilaf » وكلها متوفرة في منهج الحلبي والحجوري. Donc ça fait partie des causes qui amènent à la division et la divergence, et toutes ces causes-là sont présentes dans la méthodologie de Al-Halabi et de Al-Hajuri. Le cheikh il dit ومنهج الشيخ العلامة ربيع المدخلي لا يمت إلى هذه الأمور بصلة بل منهج الشيخ ربيع المدخلي قائم على محاربة هذه الفتن والأمور المخالفة لمنهج السلف الصالح. Donc le cheikh il dit, le manhaj de Cheikh Rabi, ça n'a aucun lien avec ce genre de choses. Le manhaj de Cheikh Rabi est établi sur le fait de faire la guerre à ces différentes fitanes et à ces différentes choses qui sont en contradiction avec le manhaj des salaf al-salih. Le cheikh il dit, فوالله الذي لا إله إلا هو ما عرف السلفيون الشيخ العلام المحدث المجاهد الحامل راية الجرح والتعديل إمام السنة في زمنه ربيع بن هادي عمير المدخلي حفظه الله إلا صادقا ناصحا مصلحا مؤلفا بين السلفيين في شتى بقاع الأرض في شتى بقاع العالم ويسعى بكل ما أوتي من قوة إلى قطع أسباب الخلاف والفرقة بين السلفيين وكتبه ومواقفه خير دليل على ذلك. Donc le cheikh il dit par Allah, celui qui rien ne mérite d'être adoré excepté lui, les salafis n'ont connu le cheikh Rabi, hein, qui est un grand savant, un savant hadith, un muhaddith, un mujahid, qui porte la bannière du Jarh al-Ta'dil, qui est un imam de la sunna dans son époque, hein, ils n'ont connu ce cheikh que comme étant un homme véridique, qui donne la, qui est sincère dans ses conseils, qui veut la réforme et qui corrige les fautes et les erreurs, et qui essaie de réunir les salafiyins des différentes régions dans le monde, et qui fait des efforts avec tout ce qu'il a comme moyens et forces pour couper les causes et éliminer les causes de divergence et de division entre les salafiyins. Par ses, et ses livres et ses positions sont la meilleure preuve de cela. Ok, le cheikh il dit ولا ينكر هذا الامر الا من اشرب قلبه او اشرب قلبه الا من اشرب قلبه الهوى والحسد والكبر نعوذ بالله من هذه الاخلاق الرذيله الرديئه pardon. Donc le cheikh il dit personne peut nier ça excepté quelqu'un dont le cœur a absorbé la passion, la jalousie et l'arrogance ou la fierté. On demande refuge en Allah contre ces mauvais comportements ou mauvaises caractéristiques. Le cheikh il dit ensuite ويشابه قول الحلبي المميع الفاجر في الخصومة قول الحجور المتشدد الفاجر في الخصومة حيث قال بئس ما قال وبئس ما قال فإننا لا ندري ما موجب إشعال الشيخ ربيع حفظه الله للفتنة في الدعوة السلفية باليمن منذ عدد سنين بالتحريش بين دعاتها والتثوير والعصبية مع هذا ضد هذا بأفعال عجيبة وددنا أنه وفقه الله اجتنبها لأنها بعيدة كل البعد عن أفعال علماء الهدى الحريصين على سلامة المؤمنين من الفتن الذين نحسبه إن شاء الله منهم وأشبه ما تكون بأفعال من يسمون بالسياسيين السائرين على ذلك المبدأ الخاطئ فرقت سد انتهى كلامه الله المستعان. Donc le cheikh qu'est-ce qu'il dit? Il mentionne que on retrouve donc, il dit, ça ressemble à ce genre d'accusation et de fausses paroles ressemble aux paroles du Moumayyah, celui qui fait le tamir, qui est fajir, hein, pervers dans ses débats, dans ses argumentations, al-Halabi. Et également, ça ressemble à la parole de al-Hajouri, al-Mutashaddid, celui qui est dur. Hein, qui exagère, qui est extrémiste et qui est pervers dans son argumentation aussi. Donc c'est ça qui est étrange, c'est que ces deux individus et ces deux groupes-là sont à deux extrêmes. Les Haddadiyya et les gens du Tamir sont à deux extrêmes. Pourtant, ils se rejoignent tous les deux pour attaquer les Salafiyins et pour attaquer Cheikh Rabi' et les gens qui suivent la voie des salafs. Donc, c'est ça qui est étonnant à notre époque. Parce que, à la base, ils sont à deux extrêmes. Et les gens du Tamir, quand ils critiquent les salafis, souvent, ils les critiquent de, justement, du fait qu'on met en garde contre les innovateurs, on met en garde contre des gens qui appellent à une bid'a, ou qui étaient salafis, mais qui ont quitté la voie des salafs et qui commencent à défendre des bid'a et des gens de bid'a. Donc, eux, les gens de Tamir, ils nous critiquent pour ça. Et les gens de Haddadiyya, eux sont extrémistes là-dedans. C'est-à-dire, ils sont extrémistes dans la mise en garde, dans la réfutation et dans la critique. Mais malgré tout, les gens de Tamir s'allient avec les Haddadiyya contre les salafis. Oui, tous les deux sont réfutés par les salafis, mais en même temps, c'est bizarre de les voir se réunir contre les salafis. Alors que les deux sont les uns contre les autres. Hein? À la base, ils seraient supposés d'être les uns contre les autres. Les Haddadiyya, eux, c'est des gens, ils veulent, ils vont mettre en garde contre des gens de Bid'a, mais des fois, même des gens qui sont sur la Sunna, ils vont les traiter comme des gens de Bid'a. Ils sont extrêmes dans la critique et dans la mise en garde. C'est ça, exactement. Et critiquent que les salafis. Exactement. Les gens de Tamiyya. Exactement. Exactement. C'est pour ça que tu vois que qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Moi, je me suis dit, peut-être que ces gens, justement, les Haddadiyya, sont peut-être des ikhwans camouflés qui se font passer pour des salafis, justement, pour attaquer la salafie de l'intérieur. Parce que la façon dont ils agissent, c'est comme si eux, ils font pire que ce que font les ikhwans contre la salafie. Tu les reconnais par le fait qu'ils critiquent et ils attaquent les ulama. Ils attaquent les ulama et les dénigrent. Bien entendu, ils critiquent tout le monde. C'est-à-dire que les gens de Ahl Sunnah, quand un savant de Ahl Sunnah fait une erreur, ou des fois c'est même pas une erreur, des fois c'est un ijtihad, eh bien, si c'est quelque chose qui est une erreur, bon, c'est des questions dans lesquelles le cheikh s'est trompé. Si c'est pas des questions qui ont rapport avec les fondements du manhaj ou la base de la aqidah, l'ulama, il les excuse, surtout si c'est des choses très, très subtiles, hein, des questions très subtiles, très détaillées, l'ulama, il les excuse. Et après, il leur parle, il leur clarifie, il leur donne la nasiha avec gentillesse, avec douceur, avec politesse, avec respect, hein, parce que ce sont des imams. Et on a fait on a lu les questions et les réponses de Cheikh Ubayd al-Jabiri sur ça. L'attitude à avoir envers les gens de la sunna et envers les gens de la fausseté. Et on a lu les questions qui ont été posées à ce sujet-là. Cheikh Ubayd, il a expliqué clairement comment agir avec les mubtadi'a, comment agir avec les gens de la sunna et les ulama. Donc, il nous a clarifié la différence entre les deux. Mais les gens de Haddadiyya, ils respectent pas ça. Et les gens de Tamiyya, ils respectent pas ça non plus. Ils sont un extrême et à l'autre. Mais quand c'était le temps d'attaquer les salafines, ils sont tous les deux ensemble. Et c'est ça qui est le plus surprenant. C'est comme l'imam Ahmad a dit au sujet des gens de Bid'a, quand il les a décrits, il a dit hum mukhalifuna lil kitab. Hein? Ils contredisent ou ils opposent le livre. Qu'est-ce qu'il a dit? Mukhalifuna lil kitab. En tout cas, je ne me rappelle plus exactement l'expression, mais si je vous donne le sens, vous allez comprendre. Il dit, ils sont en contradiction avec le livre. Et ils sont unis sur la contradiction du livre. Oui, c'est ça. Mukhtalifuna fil kitab, mujmi'una ala mukhalafati al-kitab. Mutafiquna ala mukhalafati al-kitab. Ils sont d'accord sur le fait de contredire le livre. Et même s'ils sont en contradiction les uns contre les autres, mais quand c'est le temps de contredire le livre, ils sont ensemble là-dessus. Hein? Donc, quelque chose dans ce sens-là. Et ça, c'est dans l'introduction de Rad al-Jahmiya. Tu trouves la parole de l'imam Ahmad ibn Hanbal qui mentionne ça. Je m'en souviens plus. En tout cas, c'est pas grave. Le cheikh, il mentionne l'exemple de la parole de Al-Halabi et la parole de Al-Hajuri. Les deux, ils ont une parole semblable. Mais c'est Al-Halabi, je pense, qui a dit ça. Il dit, on ne sait pas qu'est-ce qui pousse Cheikh Rabi à allumer la fitna dans la da'wah salafia au Yémen depuis quelques années, ou depuis un nombre d'années, en faisant des conflits entre les prêcheurs du Yémen. Et avec le fanatisme de pousser un contre l'autre avec des actions qui sont étonnantes, et on aurait aimé que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne le succès de s'écarter de ce genre de choses là, parce que c'est des choses qui sont loin hein, éloignés de l'attitude des ulama de la guidance qui sont, qui font beaucoup d'efforts pour épargner les croyants des fitanes et, on espère ou on souhaite qu'ils soient parmi ces ulama-là. Et il dit que ces actions-là, c'est les actions qui ressemblent plus à l'action des, de ceux qui sont des politiciens et qui se basent sur le principe erroné de diviser pour régner. C'est ça qui, vous voyez, qu'est-ce qu'il dit donc à propos de Cheikh Rabi, qu'il agit, hein, pour, comme s'il veut diviser pour régner comme les politiciens. Ça c'est Al-Halabi et il y a la même parole de Al-Hajjouri, Yahya Al-Hajjouri qui a une parole dans ce sens-là aussi. Donc et après il dit فَقَدْ وَقَعْنَا فِي الْكَذِبِ الْوَاضِحِ الْمُبِينِ وَهُمَا يَعْرِفَانِ وَكُلَّ الْعُقَلَاء وَالْفُضَلَاء وَالشُّرَفَاء أَنَّ الشَّيْخ رَبِيعَ عَلَى خِلَافِ مَا يَقُولَانِ وَلَكِنْ قَدْ سَلَكَ الرَّجُلَانِ مَسْلَكْ مَنْ قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِيهِ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ومسلك من قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أربع خلال من كنا فيه كان منافقا خالصا من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر ومن كانت فيه خصلة أو خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق وصدق عليهم المثل السائر رمتني بدائها وانسلت. Donc le chef il dit, ça c'est, hein, ces deux là ils sont tombés dans un mensonge évident est clair. Et ils savent tous les deux, comme tous les gens raisonnables et méritoires et nobles le savent aussi, que le Cheikh Rabi est, hein, il est complètement différent de ce que ces gens-là disent. Mais ces deux-là ont suivi la voie de celui que Allah subhanahu wa ta'ala a décrit en disant, et là il cite un verset, le Cheikh, dans Surat al-Baqarah, le verset 204 et 205. Il dit qu'ils ont suivi la voie de celui qui est décrit comme tel par Allah subhanahu wa ta'ala. Arhamukallah. Celui qui est décrit par Allah subhanahu wa ta'ala comme disant, c'est ça, et parmi les gens, il y a celui dont la parole sur la vie présente te plaît, et qui prend Allah à témoin de ce qui est dans le cœur, de ce qu'il a dans le cœur, tandis que c'est le plus acharné disputeur. Dès qu'il tourne le dos, il parcourt la terre pour y semer le désordre et saccager culture et bétail. Et Allah n'aime pas le désordre. Donc c'est le verset 204 et 205. Donc, il dit, le cheikh, que ces deux-là, ils rentrent dans la description de ce que Allah a dit dans ce verset-là, et dans la description du hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a quatre caractéristiques que si quelqu'un en possède une, ou si quelqu'un les possède, il est un pur hypocrite, c'est-à-dire lorsqu'il ment, lorsqu'il parle, il ment, lorsqu'il promet quelque chose, il manque à sa promesse, lorsqu'il prend un engagement, il trahit son engagement, et lorsqu'il dispute avec quelqu'un ou qu'il argumente avec quelqu'un, il fait preuve de perversité dans son, ou d'injustice dans son argumentation. Et donc ça, c'est ce genre de caractéristiques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui en possède une d'entre elles, il a une des caractéristiques de l'hypocrisie, du munafiq. C'est ça. Donc, l'argumentation injuste, hein, c'est ce genre de caractéristiques-là qu'on retrouve dans la façon dont ces gens-là argumentent. Et tu trouves que, des fois tu remarques que la façon dont ils argumentent, c'est à la même façon que les koufars, yani. Comment les koufars, ils parlent parfois quand ils veulent critiquer quelqu'un, ils utilisent ce genre de méthode. Hein. Ils n'ont pas de respect pour les ulama. Parce que de dire ce genre de choses-là, ça, c'est un manque total de respect. Et il dit qu'on peut appliquer sur également la parabole ou le proverbe qui dit « Il m'accuse d'un mal, hein, il l'a accusé d'un mal alors que... c'est-à-dire, il l'accuse d'un mal puis elle s'en va. » En voulant dire que le mal qu'elle est là, c'est elle qui a ce malaise-là ou ce problème-là et elle m'en accuse alors que c'est elle qui l'a vraiment. C'est un dicton que les gens ramènent souvent, un poème que les gens citent. Ramatni bida'iha unsallat. Elle m'accuse de son mal et puis elle part. Hein? Alors que c'est elle qui a ce problème, c'est pas la personne dont elle parle. Après le cheikh il dit wa naziru li hal al halabi wa aw halihi. وحال الحجور وفجوره يجد أنهما مما يصدق عليهما قول المولى عز وجل تشابهت قلوبهم. Donc celui qui regarde l'état de Al-Halabi et l'état de Al-Hajouri, de sa perversité, il va trouver que on peut appliquer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et les véridiques à leur sujet lorsqu'il dit tashabahat qulubuhum, le verset 118 dans sourate al-Baqara, leur cœur se ressemble. Et il dit wa ilayka shay'an min al-bayan li wajh al-mushabahati bayna hadayn ar-rajulayn al-fajirayn fi al-khusuma. Il dit et je vais vous donner des exemples de ressemblances qui existent entre ces deux hommes pervers et injustes dans l'argumentation. La première exemple, الوجه الأول الحلبي يتظاهر بالأدب والأخلاق الفاضلة وكذا الحجوري في شريطه النصح الرفيع يتظاهر بالأخلاق الفاضلة وهما في واد والأخلاق الفاضلة في واد آخر. Qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit les deux se montrent comme ayant des bonnes manières et un bon khuluq, hein, des comportements, des manières méritoires. Donc, Al-Halabi, il veut montrer ça, et Al-Hajouri, dans sa cassette qu'il a fait, qui s'appelle Al-Nush al-Rafi', eh bien, la même chose. Il essaie de montrer qu'il est quelqu'un qui a des bonnes manières, un bon comportement, et le cheikh, il dit, mais tous les deux sont dans une vallée, et le bon comportement est dans une vallée autre. En voulant dire, entre eux et le bon comportement, il y a une vallée qui les sépare. C'est-à-dire, ils n'ont rien à voir avec le bon comportement. C'est ça. Al-Wajh al-Thani, la deuxième point. Al-Halabi, fi mawqi'ihi, yat'anu fi ahli sunnah. Kash-Sheikh Rabi'i, wa Sheikh Ubaid, wa ghayrihima min ahli al-ilm, wa al-fadl, wa tullab al-ilm. Wa yashun al-hurub diddahum, wa huwa wa zabaniyatuhu. وكذا الحجوري يسلط السفهاء على العلماء الأكابر وطلاب العلم ويطعن في أهل الأثر من علامة أهل من علامة والطعن في أهل الأثر من علامة أهل البدع. Donc il dit une autre ressemblance entre ces deux hommes, hein, c'est que Al-Halabi dans son site c'est quoi? كل السلفيين. Il a appelé كل السلفيين parce que ça veut dire كل السلفيين. en fait, كل السلفيين dans le sens, lui il a créé ce site là, c'est un forum, et il veut dire comme tous les salafis, comme si en voulant dire il y a des salafis qui veulent, c'est-à-dire il y en a qui veulent pas accepter certaines personnes, mais nous on accepte tout le monde, donc on accepte tous les salafis. En réalité, ça veut dire qu'il accepte tous les gens de bid'ah, il veut les inclure dans la salafie. Mais oui, ils ont utilisé les mêmes règles que les règles des Ikhwan pour essayer d'incorporer et d'inclure dans leur rang même les gens de Hizbiya, les gens de Bid'a, comme Adnan Ar'our, Al-Mahrawi, Al-Ma'ribi, hein, les gens qui défendent les Ikhwan, qui défendent Jamaat Tablir et d'autres Mubtadi'a. Après, il fait la guerre aux ulama comme Sheikh Ubaid, Sheikh Rabi'i, et à d'autres parmi les hommes de science et parmi les tulab ilm, il les déclare la guerre, hein, et il les attaque sur son forum. Et la même chose avec Al-Hajouri. Al-Hajouri, il envoie des faibles d'esprit pour insulter puis critiquer les grands ulama et les étudiants en sciences islamiques, hein, dans son forum. Chaque fois qu'il n'est pas d'accord avec quelqu'un, il envoie quelques-uns de ses supporters, de ses élèves, pour écrire sur le forum pour attaquer et insulter les ulama. Et le cheikh Ahmed Bazmoul lui dit, et le fait d'attaquer les gens de la tradition, de la narration, ça c'est un des signes des gens de bid'ah. On l'a expliqué au dernier cours, qu'une des caractéristiques des gens de bid'ah, c'est qu'ils attaquent et qu'ils insultent les gens de la sunna, les gens de la narration. الوجه الثالث الحلبي وأشباهه يتهمون الشيخ ربيع بتفريق السلفيين وإثارة المشاكل بينهم وكذا الحجوري وأغماره السفهاء الجهلاء الساقطون في أحضان فحش اللسان. ça c'est vrai. Le point numéro 3, الحلبي et ceux qui lui ressemblent, ils accusent Cheikh Rabi de diviser les salafis et d'allumer la fitna entre eux. La même chose pour Al-Hajoui, ainsi que ses faibles d'esprit qui le suivent parmi les ignorants et qui n'ont aucune manière et qui ont des langues sales. Des langues sales, dans le sens qu'ils ont un langage vraiment, ils disent beaucoup d'insultes et des mauvais mots, hein. Un langage vraiment vulgaire, oui. Parce que quand ils critiquent les ulama, ils utilisent des langages de vulgarité pour les insulter. Ils parlent des ulama avec beaucoup de vulgarité et des langues vraiment sales. Allah al-musta'an. Et ça fait partie de leurs caractéristiques. Al-Hajouri et ceux qui le suivent, même dans ses audios, dans ses cassettes et tout, quand ils parlent des ulama et quand ils critiquent, il utilise beaucoup de mauvais mots, hein, beaucoup de vulgarité et d'obscénité, en tout cas. Après, il dit « Wa haqiqatul amr, anna al-halabi wal-hajuri huma al-ladhan yusiran al-mashakil fi kathirin min al-buldan bayna al-salafiyin wa yas'una fi tafriqat al-saf al-salafi wa ta'libihim ala ulamaihim wa tashkikihim fihim fa'l-shakawa min atharihima al-mudabbira kathira wa mouthiqa. » Donc il dit la réalité, c'est que Al-Halabi et Al-Hajouri, c'est eux les deux qui incitent aux problèmes dans beaucoup de pays dans le monde entre les salafis et qui poussent la division des rangs des salafis et qui poussent les jeunes et même les gens contre les ulamas et qui amènent même les gens à douter des ulamas. Ça, c'est ce qu'on a constaté même dans la réalité de ce que ces gens-là ont fait. C'est ça qu'ils veulent. Et donc c'est ça qui arrive. Tu vois que les gens, par la suite, se retournent contre les ulama. Hein? Et quand tu vois, par exemple, dans les différents pays où il y a eu des fitanes à cause de ça, eh bien, le résultat, c'était ça. Le résultat, c'est que les gens, par la suite, ils ne veulent plus écouter les ulama. Ceux qui suivent Al-Halabi, ils ne veulent plus retourner aux ulama. Et ceux qui écoutent Al-Hajouri, ils ne veulent plus retourner aux ulama. Ils retournent à Al-Hajouri seulement. Ou ils retrouvent Al-Halabi. Mais les gens de Bid'a, ils ont des choses en commun entre eux. Et comme par exemple, Ibrahim al-Ruhayli, qui défend Al-Halabi aussi, la même chose, ceux qui sont des fans de Ibrahim al-Ruhayli, eh bien maintenant il ne veut plus écouter les ulama. La même chose avec Abdul Malik Ramadani. Ceux qui défendaient Abdul Malik Ramadani, maintenant tu les retrouves encore en train de défendre maintenant Al-Halabi et Al-Ma'ribi et Al-Aid Sharifi au Maroc et d'autres également ailleurs. Donc c'est quelque chose qui a causé de la division partout maintenant, dans tous les pays musulmans. Pas juste en Arabie Saoudite ou au Yémen. Mais ça, maintenant, ça s'est répandu partout dans le monde. Et Cheikh Rabi, quand il a parlé de Yahya al-Hajouri, il a dit, je reçois des appels de partout dans le monde, de la Russie, de l'Indonésie, de partout. Les gens, ils m'appellent, ils me disent, mais les fidèles de Yahya, ils insultent Cheikh Obeid, ils disent ci, ils disent ça, ils font ci, ils font ça. Exactement. À Damas, il y a des gens de partout. Donc, tous ceux qui vont là-bas, ils ont des élèves, et après ils retournent dans leur pays, ils ramènent la fitna dans ces endroits-là. Et même ici à Montréal, il y en a un qui venait de un qui venait de Damage, il était allé à Damage. C'était un Yéménite, j'ai oublié son nom, et à un moment donné, ils l'ont mis imam à Dar al-Qam. Et quand il a parlé une fois à un frère, je pense que c'est Ibrahim qui m'avait rapporté ça, il m'a dit, j'ai parlé avec lui, il m'a dit, à Montréal, il n'y a pas de salafi, il y a juste des Jabiri. Ouais. Ouais, c'est ça. Il dit à Montréal, Hassan qui avait dit ça, il dit, à Montréal, il n'y a pas de salafi, non, il est parti, je crois. Ouais. Parce qu'il y avait des problèmes d'argent aussi. Il avait emprunté beaucoup d'argent, des grosses sommes d'argent à des gens, puis il ne les a jamais remis. En tout cas, c'est juste pour dire. Ouais, non, c'est ça, il y a des problèmes, Yanni. Donc, si on est des Jabiri, parce qu'on retourne aux ulama, et entre eux, parmi eux, il y a le Cheikh Ubayd al-Jabiri, et lui, il nous appelle des Jabiri à cause de ça. Mais celui qui fait ça, c'est comme celui qui nous appelle des Jami parce qu'on écoute Cheikh Mohamed Aman al-Jami, ou qui nous appelle des Madakhila ou Madkhali parce qu'on écoute Cheikh Rabbi, ou Wahhabi parce qu'on retourne au Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab. Hein? Donc c'est ça. Donc c'est ça, c'est ça qui crée la division et les doutes, hein, envers les ulama. Oui, c'est ça. Et c'est eux qui créent la division, mais ils nous accusent de nous vouloir créer la division. Après le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Le point numéro 4, il dit Al-Halabi yuqallibu al-haqa'iq bis-safsata wal-jadal al-amiq fayaj'alu al-batila haqqan wal-haqqa batilan wa kadha fa'ala al-Hajuri haythu ja'ala al-muslih mufsidan wal-mufsid muslihan. ومن كلام الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم إن أمام الدجال سنين خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويتكلم فيها الرويبضة قيل وما الرويبضة قال صلى الله عليه وسلم الفاسق يتكلم في أمر العامة. Donc le cheikh il dit comme point numéro 4 que Al-Halabi il renverse les réalités avec de la philosophie et des argumentations sophistes, il y a des faux arguments, des faux raisonnements. Il ramène ça, hein, et il rentre profondément là-dedans pour essayer de faire le faux devenir vrai, puis le vrai devenir faux. Là, il mélange les gens. Et Al-Hajuri, la même chose, puisqu'il veut faire paraître le réformateur comme un corrupteur, et le corrupteur comme un réformateur. Et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'avant le Dajjal, il y aura des années de tromperie ou de trahison, des années de traître. Et dans ces années-là, on va traiter le menteur, on va traiter de menteur le véridique, et on va traiter de véridique le menteur. Et on va traiter de traître celui qui est honnête, et on va traiter d'honnête le traître. Subhanallah. Et les gens, les Rouaybida vont parler. Alors, les sahaba ont dit, et c'est qui les Rouaybida? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est la personne pervers qui parle des choses générales. Des choses générales qui ont rapport avec les gens. Et dans une autre narration, al-rajul tafih yatakallam fi umur al-am. C'est-à-dire, quelqu'un qui est pervers, qui parle des affaires des gens, des affaires générales, des grandes affaires. Non. T'as des questions importantes qui ont rapport avec les gens en général, la Oumma en général, eux, ils vont se permettre de rentrer là-dedans puis d'en parler. Al-Rajul al-Fasiq yatakallamu fi amri al-Amma. والله تعالى أعلم. Et après le cheikh il dit comme le point numéro 5, الحلبي يتظاهر بالرجوع للحق والبحث عنه وهو يلج في الباطل ويوغل فيه وكذا الحجور يتظاهر بالتمسك بالحق والتسليم له وهو ألد الخصام. Donc il dit Al-Halabi, il veut montrer qu'il revient à la vérité et qu'il recherche la vérité, alors que c'est quelqu'un qui rentre dans la fausseté et qui patauge dedans, il veut rien, il veut pas sortir de la fausseté. Et Al-Hajuri, c'est la même chose. Il veut montrer qu'il veut s'accrocher à la vérité et qu'il se soumet à la vérité, mais c'est un disputeur acharné. Et il dit Wafil Khitam, c'est-à-dire en conclusion, أذكر الحلبي والحجوري بقول عالمين جليلين يحاول الحلبي والحجوري التمسك بهما وهم في وهم في منأى عنهما. قال العلام الألباني الحط على هذين الشيخين الشيخ ربيع والشيخ مقبل الداعيين إلى الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح ومحاربة الذين يخالفون هذا المنهج الصحيح هو كما لا يخفى على الجميع إنما يصدر من أحد رجلين إما من جاهل أو صاحب هوى. الجاهل يمكن هدايته لأنه يظن أنه على شيء من العلم، فإذا تبين العلم الصحيح اهتدى. أما صاحب الهوى فليس لنا إليه سبيل إلا أن يهديه الله تبارك وتعالى. فهؤلاء الذين ينتقدون الشيخين كما ذكرنا إما جاهل فيعلم وإما صاحب هوى فيستعاذ بالله من شره ونطلب من الله عز وجل إما أن يهديه وإما أن يقسم ظهره. Donc qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit pour terminer, je rappelle à ces deux-là, Al-Halabi et Al-Hajuri, la parole d'un savant que tous les deux prétendent suivre, mais qu'ils sont loin de la réalité de ce que prêchait ce grand savant. C'est la parole du Cheikh Al-Albani. Et Cheikh Al-Albani, il a dit, celui qui essaie de descendre de la valeur de ces deux Cheikhs, le Cheikh Rabi' et le Cheikh Muqbil, qui sont tous les deux des prêcheurs au Coran et à la Sunna, qui appellent au Coran et à la Sunna, et qui sont sur la voie des Salaf al-Salih, et qui font la guerre à tout ce qui est en opposition à cette voie correcte. Comme ça, c'est une chose qui est connue de tous. Eh bien, ceux qui essaient de rabaisser ces deux cheikhs-là et de les descendre, ça peut uniquement se produire de deux types de personnes. Soit que ça se produit de la part d'un ignorant ou de quelqu'un qui suit sa passion. L'ignorant, il est possible de le guider parce qu'il pense qu'il a une science et lorsqu'on lui clarifie la science correcte, il revient à la guidance. Mais la personne qui suit sa passion, on n'a aucun moyen avec lui, excepté que Allah subhanahu wa ta'ala le guide. Donc, ceux qui critiquent ces deux cheikhs, comme on l'a dit, soit que c'est un ignorant, alors il faut l'enseigner, ou soit que c'est un homme qui suit sa passion, alors on demande le refuge à Allah contre son mal, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala soit de le guider, ou soit de lui briser le dos. Donc ça c'est la fin de la parole de Cheikh Al-Albani. Et une autre parole de Cheikh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah, il dit من أبصر الناس بالجماعات وبدخن الجماعات في هذا العصر الأخ الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله. من قال له ربيع بن هادي إنه حزبي فسينكشف لكم بعد أيام أنه حزبي وستذكرون ذلك. فقد الشخص يكون في بدء أمره متسترا، ما يجب ما يحب أن ينكشف أمره، لكن إذا قوي وأصبح له أتباع ولا يضره الكلام فيه أظهر ما عنده. فأنا أنصح بقراءة كتبه والاستفادة منها حفظه الله تعالى. Donc ça c'est la parole de Cheikh Mouqbil. Qu'est-ce qu'il a dit à propos de Cheikh Rabia? Il a dit, une des personnes les plus clairvoyantes par rapport au groupe et à la brume qui encercle les différents jama'at, les différents groupes à notre époque, c'est notre frère le Cheikh Rabia Ibn Hadi, hafizahullah. Il dit, celui à propos de qui Cheikh Rabia dit que c'est un hizbi, après un certain temps, vous allez découvrir réellement que c'est un hizbi pour de vrai. Et vous allez vous souvenir de ça. Hein? Mais c'est possible qu'au début, la personne, elle est cachée. Elle se camoufle. Elle ne veut pas montrer ce qu'elle a vraiment comme idée ou comme parole ou comme croyance. Mais quand elle devient forte et qu'elle commence à avoir des adeptes et des gens qui le suivent, elle pense que maintenant la parole qu'on va dire contre lui, ça ne va plus lui faire du tort. Là, elle commence à laisser paraître qu'est-ce qu'elle a en lui-même. Alors là, vous voyez vraiment que ce que Cheikh Rabia avait dit à son sujet, c'était vrai. Hein? Donc il dit, je vous conseille de lire les livres de Cheikh Rabia et de profiter de ces livres-là, hafizahullah. Ça, c'est la fin de cette... Ça, c'est Cheikh Mouqbil qui a dit ça à propos de Cheikh Rabia. Non. Et qu'est-ce qu'il dit aussi Cheikh Mouqbil, qu'est-ce qu'il a dit aussi rahimahullah? Il a dit, ana ansahu al-ikhwa bil istifadati min kutub akhina al-Cheikh Rabi' ibn Hadi hafizahullah ta'ala, fa huwa insha'Allah basirun bil hizbiyyin yukhriju al-hizbiyya bil manaqish. Qala ba'duhum inna ba'd al-muhishshin 'ala al-kashshaf يعني يخرج الاعتزال بالمناقيش وهذا أيضا يخرج الحزبية بالمناقيش. أنا أنصح بالاستفادة من كتبه وكذلك بالاستفادة من أشرطته. انتهى كلامه. Cheikh Mouqbil il a aussi dit, il a dit je conseille à mes frères également de profiter des livres de notre frère Cheikh Rabi' ibn Hadi حفظه الله, parce que Inch'Allah, il est très clairvoyant, il voit très clair dans les affaires qui ont rapport avec les Hizbiyyin. Hein, il les connaît bien. Et il extrait la Hizbiyya avec les ciseaux. Hein? Et parce qu'il dit certains des ulama, ils disaient, par exemple, quand ils ont fait la vérification d'un tafsir qu'on appelle Al-Kashaf. Al-Kashaf est écrit par Al-Zamakhshari, qui était un Mu'tazili. De la secte des Mu'tazila. Donc, il y en a des savants qui ont fait un genre de commentaire à Al-Kashaf pour mentionner les erreurs qu'il y avait dedans, de la croyance des Mu'tazila. Donc, ils ont dit à propos de lui, il sort la croyance des Mu'tazila avec les ciseaux. C'est comme s'il les découpe, il les fait sortir. Eh bien, ils ont dit la même chose. Cheikh Mouqbil, il dit, on peut dire la même chose de Cheikh Rabi'a. Il fait sortir la Hizbiyya avec les ciseaux. Hein? Et donc, en voulant dire, il dit, je conseille aux frères de lire ses livres et de profiter de ses cassettes. Hein? Donc ça, c'est la parole de Cheikh Mouqbil à propos de Cheikh Rabi'a. Il dit, wa su'al al-an. Donc ça, c'est la dernière page. On a fini. Hein? Le Cheikh, il dit, wa su'al al-an. أليس ذم العلامة الألباني والعلامة مقبل لمن يطعن في الشيخ ربيع يصدق على الحلبي والحجوري ومن سار على طريقتهما ودربهما المشين؟ وأقول للحلبي والحجوري إن كنتما صادقين في حبكما لهذين العالمين الجليلين فاحترما فاحترم كلامهما نعوذ بالله من الهوى والردى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أخوكم المحب أحمد ابن ibn Omar, ibn Salim, Bazmoul. Il a écrit ça le jour de Jumu'ah, le 9 du mois de Jumu'ah al-Akhira, de l'année 1434, à 3h40 le matin. Subhanallah. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à la fin, il a dit, la question maintenant c'est la suivante. Les paroles du Cheikh Mouqbil, de Cheikh Al-Albani et de Cheikh Mouqbil, n'est-ce pas que cette parole-là peut s'appliquer sur Al-Halabi et Al-Hajouri contre ceux qui parlent contre ces deux Cheikhs, contre Cheikh Rabi'a? Puisque les paroles, on a vu les paroles de Cheikh Al-Albani et de Cheikh Mouqbil. Qu'est-ce qu'ils ont dit comme éloge à propos de Cheikh Rabi'a? Donc, est-ce que les paroles de Cheikh Al-Albani et de Cheikh Mouqbil, ça ne s'applique pas à Al-Halabi et Al-Hajouri? Justement, puisqu'ils ont suivi la voie de ceux qui critiquent et qui attaquent, hein, Cheikh Rabi'a. Et donc il dit, je dis à Al-Halabi et je dis à Al-Hajouri, si vous êtes sincère et véridique dans votre amour pour ces deux hommes, et ces deux grands savants, Cheikh Al-Albani et Cheikh Mouqbil, alors ayez du respect pour leurs paroles. C'est-à-dire les paroles qu'ils ont mentionnées en général et les paroles qu'ils ont dit de bien à propos de Cheikh Rabi et les du'as même que Cheikh Al-Albani a fait contre ceux qui les critiquent. Hein, il a dit que celui qui suit sa passion, alors que Allah le guide ou qu'il lui brise le dos. Donc ça c'est un du'as que Cheikh Al-Albani a fait en faveur de Cheikh Rabi et de Cheikh Mouqbil. Donc il dit, on cherche refuge en Allah subhanahu wa ta'ala contre la passion et contre yani, la bassesse, et on envoie le paix et la salut et la bénédiction sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur ses fidèles et sur ses compagnons, et c'est écrit par votre frère le frère Ahmed, Cheikh Ahmed ibn Omar ibn Salim Bazmoul. Donc, comme j'ai dit, c'était le jour de Jumu'ah, le 9 de Jumu'ah al-Akhira, 1434. C'était écrit à 3h du matin. 3h40 du matin.